un homme très riche. Il avait des grosses villas, des belles voitures et toutes les femmes qu'il voulait à ses pieds. Cet homme était tellement riche que tout le monde voulait être son ami. Mais malgré sa grande richesse, il manquait la paix, la joie dans son cœur, parce qu'il n'avait pas reçu Jésus. Alors mes bien-aimés, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il n'a pas Jésus? Donne ton cœur à Jésus. Celui-là était un ivrogne. Lui ne passait son temps que dans les bars, en croyant y trouver la solution à ses problèmes. Cet homme, après s'en être enivré, ne savait plus tout ce qu'il faisait, parce qu'il était esclave de l'alcool. Croyez-vous, bien-aimé, que l'alcool peut donner la solution à nos problèmes? Non, Jésus seul est la solution à nos problèmes. Croyez-vous, mes amis, que les drogués ont la vie? Mais croyez-vous, mes amis, que les drogués ont la vie? Non, non, non, non. Non, non, non, non. Non, non, non, non. Non, non, non, non, non. Croyez-vous, mes amis, que les drogués ont la vie? Mais croyez-vous, mes amis, que les drogués ont la joie? Non, non, non, non. Il y a des gens qui croient trouver la force, la paix, la joie, enfin tout le bonheur dans la drogue. Or, il n'y a que Jésus qui peut nous apporter le bonheur, car lui seul est le chemin, la vérité, la vie. Bien-aimé, accepte Jésus et tu seras sauvé. Donne ton cœur à Jésus.